Analyse du 2 mai 2023. Thierry Birlo, Sherpa One. Explication sur l'EBS. Emergency Broadcast System. Le message qui suit provient d'une source de l'Alliance en 2020. Ce message a été reçu d'une source de haut niveau. Il s'agit peut-être du message le plus important que vous aurez à lire. Cela a été confirmé. Les militaires s'entraînent pour la mise en place d'un système de diffusion d'urgence. Le déclenchement de l'EBS ou EAS, Emergency Alert System, pourrait se faire dans le monde de différentes manières. Avec soit le retour d'un variant provoquant un nouveau confinement, ou un shutdown provoqué par un piratage informatique, ou un faux départ de Troisième Guerre mondiale, ou encore un événement grave et important qui démarrerait aux États-Unis et qui serait suivi d'un état d'urgence avec des fermetures dans de nombreux secteurs. Lorsque cela se produira, vous saurez que nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Ne vous mettez pas en colère et surtout, ne paniquez pas. C'est nécessaire. Oui, il faut que cela se passe ainsi pour que nous puissions changer notre avenir. En effet, cela fait partie du scénario. C'est la dernière phase du film qui est indispensable pour réveiller les masses. Cela permettra à chacun d'être en sécurité dans sa maison et d'assister à ce moment historique où toutes les vérités, les dissimulations seront révélées à travers cette EBS. Il est probable qu'il y ait un test afin d'en examiner l'impact à travers les événements et les activités. Les conséquences possibles, tant au niveau national que mondial, peuvent s'avérer compliquées à gérer. C'est pourquoi un strict protocole doit être appliqué. Nous entendons dire que le calendrier est enfin fixé, mais je ne suis que le messager. Soyez prêts à vous adapter si nécessaire aux éventuels changements de temps. Seuls quelques privilégiés connaissent le moment exact et précis des événements. Pour des raisons de sécurité et d'autres raisons évidentes, ces informations doivent rester confidentielles. L'EBS permettra de diffuser une vidéo de 8 heures. Elle sera rediffusée 3 fois par jour pendant 10 jours selon le principe d'une communication darkness. Pendant ces 10 jours de communication dans l'obscurité, les choses suivantes se produiront. Nous recevrons 7 trompettes, c'est-à-dire des messages textes de l'EBS sur nos téléphones et nous avertissant de nous brancher sur notre télévision à ce moment-là. Nos téléphones ne fonctionneront que pour le 911 ou le 112 et nous serons informés que l'application Signal qui est cryptée par l'armée sera disponible. Nos téléviseurs ne diffuseront que 3 films explicatifs pendant 10 jours et en boucle. Ils porteront sur les arrestations, les tribunaux, la fraude, la corruption, la pédophilie des élites, etc. Nos distributeurs automatiques de billets ne fonctionneront pas. Les gens sont invités à faire des réserves de nourriture pour au moins 3 semaines. Après les 10 jours de communication dans l'obscurité, nous pourrons nous connecter à un nouvel Internet quantique. Les nouveaux systèmes Internet Starlink et QFS seront en application à la fin de l'opération Darkness. Je répète qu'il faut se préparer et faire des réserves de nourriture, d'eau, de papier hygiénique, etc. et éventuellement des générateurs pour cette grande révélation de l'éveil. En ce moment même, les équipes qui coordonnent cet événement historique important sont en train de réorganiser l'EBS afin d'assurer la meilleure sécurité à tout le monde. Alors restez patients pendant que les choses se finalisent. Ils veulent s'assurer qu'il n'y aura pas d'interférence de quelque sorte que ce soit. Les responsables de ce plan souhaitent éviter toute panique et faire que chacun soit prêt pour la divulgation de la vérité. Après le BS et ses 10 jours de blackout des médias grand public, avec à la place des films de 8 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, allons-nous reprendre le cours normal de nos activités? La réponse est la suivante. Après le BS et les films de 8 heures diffusés en continu, tout changera. Les modes de survie inhérents aux anciens systèmes mafieux que nous avons toujours connus, mais sans le savoir, cesseront d'exister. L'humanité, la planète Terre, passeront simultanément dans une dimension de conscience liée à la réalité quantique Palantis, soit une existence de paix et de prospérité permanente. Ce sera la fin de l'esclavage humain et de sa soumission par l'argent. Les anciens systèmes de gouvernement, d'éducation, de finance, de santé, de commerce seront tous démantelés pour être reconstruits. Les technologies cachées nous seront rendues, ainsi que l'énergie libre et la technologie des medbeth, l'immédicalisée. Nous aurons une nouvelle monnaie appelée USN pour US Note et garantie par l'or. Le temps est venu d'alerter tous ceux qui voudront bien nous écouter. N'ayez pas trop d'orgueil. Allez avertir ceux que vous aimez, même s'ils pensent que vous êtes fous. Notre objectif est vraiment d'aider les autres à absorber le choc qui va arriver. Source de l'Alliance, fin de communication. Je sais que c'est incroyable, mais la complosphère est en possession de cette info depuis 2020. Et je pense que l'on s'approche à grands pas de ce moment crucial pour notre libération. The best is yet to come. Trust the plan. Sherpa One.